Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, en ce jeudi 23 novembre 2017. Nous approchons dans un mois, pile poil quasiment, c'est Noël. C'est pas cool ça mon cher Tom, bonsoir. No quoi? Noël. Noël? Non, il n'y aura pas de hell. Hell. Noël. Hell. C'est dingue ça, hein? Et donc, dans un mois seulement, et ben, tu pourras mettre tes petits souliers sous ton tige sapin. Et bien ce soir, je t'offre une émission 100% Zik Nouveauté à toi, à nos auditeurs et à Radio Biz. C'est pas beau? Ouais, y a pas que Radio Biz dans la vie. Non, y a aussi Heavy. C'est ça? Non, c'est plus. Non, je sais plus. Metal Nation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça? Metal Invasion, Metal oui, Nation. Metal Invasion. Je sais même plus. Y en a tellement... Metal Invasion que l'on salue. Il y en a tellement qui s'arrachent le Rock for Show pour diffuser sur leur radio. Metal-invasion.fr, exactement, voilà. C'est dingue! Mais ça... J'ai retrouvé l'affiche de Metal-invasion, c'est seulement le lundi soir. Voilà. Et en podcast, bien entendu. Et en podcast, c'est-à-dire en rediffusion. Et à ce sujet, parce que la semaine dernière, on vous l'a précisé, mais à la fin de l'émission, sachez que tous les concours. Dont la date n'est pas encore dépassée, la date de limite des concerts ou des choses comme ça, eh bien sont toujours actifs le lundi soir. Et là, j'ai plus rien dans mon... De quoi ? Voilà. Si, si, t'es là. Je suis plus là, je suis loin. Tu es là. Donc je disais que le lundi soir, les concours sont toujours actifs quand vous écoutez les émissions et vous pouvez donc toujours gagner des choses en écoutant Metal Invasion, enfin l'émission du Metal Invasion, c'est-à-dire l'émission du Rock for Show sur Metal Invasion tous les lundis soirs. Voilà. Ce soir donc 100% nouveauté, mais on a commencé avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui nous a attristé cette semaine, puisque le 18, enfin c'était la semaine. La semaine dernière. C'était la semaine dernière. C'est ça un vendredi ou samedi Ça devait être même un. Ouais, samedi 18. Ouais, c'est ça. Hein, samedi 18. Monsieur Malcolm Young a tiré sa révérence au rock'n'roll en quittant la terre, en montant aux cieux, enfin, si on y croit. Voilà, il est parti et ça fait quand même beaucoup dans la famille Young ces derniers temps, puisque George Young nous a quittés aussi ce mois-ci. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc on a décidé de vous passer Rock'n'Roll Damnation, parce que je pense que c'est ça, hein, c'est carrément la damnation du rock'n'roll. Tiré de l'album Porridge, sorti chez Atlantic Records, c'était il y a bien longtemps. Je crois que c'était le quatrième album d'ACDC sur les versions européennes, américaines, puisque sur l'australienne, ça doit être le cinquième album, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et donc, l'album était paru en 78, le 5 mai 78 exactement, chez Atlantic Records. Voilà. Le groupe s'était formé en 1973 et depuis cette date, Malcolm Young faisait partie du groupe AC/DC, qui fleurait bon le hard rock, qui fleure toujours bon le hard rock, puisque le groupe existe toujours. Jusqu'à preuve du contraire, puisque Malcolm avait quitté le groupe en 2014 pour se soigner un petit peu. Je crois qu'il était atteint de démence. Donc il a essayé de se soigner. Voilà, le groupe venait d'Australie, Sydney exactement. Voilà, bon, c'est quelque chose d'assez triste pour nous. Je pense à tous ceux qui ont commencé dans la carrière avec AC/DC. Et le 18 novembre, Malcolm aurait eu 64 ans, enfin avait 64 ans. Voilà. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. C'était guitariste rythmique, il faisait les chœurs. Il était un ex Velvet Underground du groupe australien et un ex Jasper. Voilà. J'espère qu'on repassera et qu'il y aura d'autres hommages à Malcolm parce que c'était quand même un grand monsieur du rock'n'roll et surtout il a composé énormément de titres pour AC/DC. Et au passage, on salue l'équipe d'Ultra Rock. Oui, on salue l'équipe d'Ultra Rock qui nous ont reçus le dimanche dernier, le 19. Hein, exact. On a fait, puis après on a été manger ensemble et tout, c'était sympa. Voilà, en tout cas, salut Lulu, salut. Steph. Comment Steph, oui, bien sûr. Et Freb, qui font un dimanche sur deux Ultra Rock en direct. Voilà, nous allons continuer avec ce que vous entendez en fond sonore. Le groupe s'appelle, bon, je sais même pas si j'ai besoin de le dire, s'il y a des X. Avec le morceau DS du crime tiré de l'album Exécution. Pourquoi toujours cet album Exécution? Bah, tout simplement parce que le 25, c'est-à-dire ce samedi, au Musicowai Festival à Crône, ils joueront l'intégralité de l'album Exécution, qui est paru en 85 chez Devil's Record. Ça doit être sympa les répètes chez ADX en ce moment. Bon, oui, je pense, ouais, ils doivent bien s'amuser. Sachez que l'ouverture des portes à Crône auront lieu à 12h, à midi exactement, avec une exposition de photos de Olivier, le photographe officiel d'ADX. Et puis plein d'autres choses, puisque tous les exposants comme ça ouvriront un petit peu, c'est-à-dire une heure avant l'ouverture. Comme ça, vous avez le temps de ravitailler, de prendre, ouais, poser, de manger, comme le disaient les gens du festival dimanche dernier, et puis aussi chez nous quand ils sont venus, vous pourrez écouter sur le podcast. Voilà, l'émission, c'était il y a 2 semaines. Oui, monsieur. Ah. Donc, à ce festival, nous pourrons voir Blazing War Machine, Full Throttle Baby, Extrema. Il y aura également Corrosive Elements. D'ailleurs, on aura on vous en parle après. Falker, Lurking, Dystopie. Voilà, donc tous ces groupes-là. Et durant cette émission, le Rock for Show, là, toute l'émission, il y aura des t-shirts et des CD de Corrosive Elements à gagner au 06. 81 01 28 34. Voilà, ça ce sera pour vous. Pas de questions, seulement il faudra aller retirer votre CD ou votre t-shirt, et votre t-shirt peut-être au festival à Crône. Donc ne nous appelez pas si vous n'allez pas à Crône ou si vous ne voulez pas aller à Crône, puisqu'on pourra pas vous envoyer les t-shirts et les CD puisqu'ils sont déjà sur place. Voilà. Et puis c'est les festivals qui le donnent, c'est pas nous. Exactement. Nous on n'a pas le droit d'y toucher, vous voyez. C'est... nous on les a non. même pas. Si on veut approcher, on nous tape sur les doigts. Allez, on va passer à de la nouveauté. Alors c'est pas de la nouveauté puisque le groupe n'est pas nouveau. Il s'appelle Black Sabbath. Formé en 1969. Exactement. Année érotique. l'album est sorti le 17, hein, c'était la semaine dernière, c'était vendredi dernier, chez Eagle Rock Entertainment. Il s'appelle The End for February 2017. Et Birmingham, voilà. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, c'est le morceau emblématique de Black Sabbath, qui finit d'ailleurs le concert, qui s'appelle Paranoid. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur Black Sabbath qu'on ne vous a pas dit? Il s'appelle The End parce que c'est la séparation du groupe, non? Oui, le groupe s'arrête tel qu'il est, mais vous savez bien qu'il n'y a jamais de fin, à moins qu'il y ait encore un décès dans les mêmes groupes. C'est un scorpion? Pas vraiment, parce qu'ils ont vraiment dit on se reforme pour faire quelque chose. Ils ont sorti un album et en fait ils ont fait une tournée, et la tournée commence à dater maintenant, et elle s'est terminée. Ça c'était le dernier show, celui du DVD là. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est deux CD live de 17 titres, plus un DVD Blu-ray de 22 titres, plus un CD bonus de 5 titres. Voilà, tout ça, et plus un t-shirt que j'arbore ce soir et on vous montrera la photo tout à l'heure. C'est un groupe anglais qui nous vient de Birmingham, ils ont fini leur dernier concert à Birmingham, donc la boucle est bouclée. Ils font du heavy metal, sont formés en 69, comme on l'a dit, séparation en 2017, bah voilà, hein. On a tout dit sur Black Sabbath. Oui monsieur. Nous allons passer maintenant à Stone Sour, qui seront en concert mon cher Tom. Oui, mon cher Phil, ils seront en concert au Bataclan le 24 novembre prochain, c'est-à-dire demain soir. Voilà. Hein. Exactement. C'est un groupe formé en 1992, c'est un quintet de métal alternatif, ils nous viennent des moines. Non, aux États-Unis, d'accord ? De Des Moines. Ouais. La ville de Des Moines. Ouais. Et c'est, on va écouter, comment vous dire, un titre issu de l'album Roadrunner, c'est le... c'est le label, ça, monsieur. C'est le label, voilà. Non, mais c'est ce que j'allais dire, sorti le 30 juin 2017 de cette année, donc, avec le titre Thanks God It's Over, extrait de l'album Hydrograd. Exactement. Nous enchaînerons ensuite avec Marilyn Manson. En concert également. Exactement. Et alors là, écoutez bien les trois titres qui vont suivre là, c'est-à-dire Stone Sour, Marilyn Manson et Nordheim. C'est ça ? C'est Nordheim ? Non, c'est Leibach. Leibach, oui, oui. Leibach. Puisque il y a un point commun dans les titres. Ouais, on vous le posera tout à l'heure une question et ça donnera lieu à un concours. Donc Marilyn Manson tiré de l'album Heaven Upside Down, qui est sorti le 6 octobre 2017 chez Lorna Vista Recordings. Le titre que l'on vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom. Jesus Crisis. Exactement. L'album contient 10 titres. C'est un quartet de métal industriel gothique formé en 1989. Ils nous viennent des États-Unis de Fort Lauderdale, là où se trouve le restaurant de monsieur Nico McBrain à Fort Lauderdale. Donc le concert à Bercy. Le 27 novembre. Nous enchaînerons ensuite avec Leibach, yeah, tiré d'une compilation qui s'appelle Reproduction, qui est sortie en 2012. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom... voilà, on va y arriver, God is good, voilà. Ouais. Excuse-moi, j'ai été interrompu. Il fallait que tu l'enlèves, hein, d'ailleurs, le... De quoi ? Fallait l'enlever, c'est pour ça, il a mis du temps. Hein. Donc c'est un groupe qui nous vient, Leibach de Slovénie, ils nous font du métal industriel un peu à l'instar de Marilyn Manson. Formé en 1980 de 8 musiciens, ils seront en concert à Paris, mon cher Tom. Oui, très bendo. Demain. Ouais, demain. Ah. Et puis on le dit ou on le dit pas ? Ouais, on a des places à vous faire gagner. Alors pour gagner les places, c'est simple, quel est le point commun entre Leibach, le titre de Leibach, le titre de Marilyn Manson et le titre de Stone Sour. Il y a quelque chose de commun à ces trois titres. Eh bien, vous les écoutez, vous regardez et surtout, vous nous appelez au 06 81 01 28 34 si vous avez la réponse et vous raflez des places pour aller voir Leibach demain soir au Trabendo. Musique, mon cher Tom. Black Sabbath. We'll be right back.

see darkness. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Mais sur Radio Biz, c'est de 13h30 à 15h30, si mes souvenirs sont bons. À moins qu'on ait changé d'horaire et que ça soit 14h30. Non, c'est ça. Hein, c'est ça. 6 heures de décalage avec nos amis Nord et Ricain. Voilà. Nord Ricain. On fait des gros bisous à tout le monde parce qu'on vous aime tous, les métalleux du monde entier et de l'univers, bien entendu. Donc, petite question que l'on vous a posée pour rafler des places pour aller voir Leibar demain soir. C'était quel est le point commun entre tous les titres de Stone Sour. Le titre, c'était Thanks Gods, It's Over. Le titre de Marilyn Manson était Jesus Crisis. Et le titre, enfin, de Leibar était God is God. Donc voilà, à vous de nous envoyer au 06 81 01 28 34 votre réponse et vous raflez deux places chacun pour aller voir Leibar demain soir au Trabendo. Nous allons continuer avec ce que l'on entend en fond sonore. C'est aussi un groupe qui sera en concert, que l'on aime bien. Ils ont sorti un EP 5 titres qui est assez sympathique chez Do It. C'était le 11 octobre dernier. Ils nous viennent d'où ? De la région parisienne, je crois, et c'est un power trio formé en 2015. Moi, oui. J'aime particulièrement bien. Et ils seront en concert gratuit. Oui, tous les concerts sont gratuits pour aller voir ce groupe qui s'appelle Disco Nected, en deux mots, bien entendu. Allez, Rennes sur Oise au Covent Garden. Oui, le 24, demain. Et le 1er décembre, à Moisy, car Cramayel. Cramayel, ça doit être dans le 77, je crois, au 18 mars. Oui. Voilà, ça c'était pour la région parisienne, mais sachez qu'il y a d'autres dates un peu partout, et ça vous pourrez le retrouver sur le Facebook de Disco Nected. Donc c'est Disco-Nected, voilà. Yes. Donc moi, nous, on aime bien. Alors maintenant, nous allons passer au groupe qui fait polémique depuis quelques temps. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, et ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui aiment. Le groupe s'appelle Five Finger Death Punch, et ils viennent de nous transmettre un inédit, qui apparaîtra sur la prochaine compilation qui sortira le 1er décembre, c'est-à-dire très très très bientôt. Et donc vous pouvez vous la mettre entre les oreilles avant d'aller les voir en concert, puisqu'ils seront en concert, mon cher Tom, le 4 décembre à l'Olympia. Exactement. En première partie, je suppose, In Flames. Voilà, en première partie, il y aura donc In Flames, si mes infos sont bonnes. Ah, c'est pas l'inverse ? Ah, je pensais que c'était l'inverse. Non, c'est... non, je crois pas. Je crois pas, non, c'est pas Finger Death Punch en tête d'affiche et puis In Flames en ouverture. Et peut-être qu'ils ont mis In Flames parce que les places se vendaient pas, mais en tout cas maintenant c'est complet. Voilà. Le morceau que je vous propose de découvrir et qui est un inédit qui apparaîtra sur cette compil, il y aura deux inédits sur cette compilation, s'appelle Trouble. Et la compilation s'appelle A Decade of Destruction. Sorti chez Prospect Pact Records, donc le 1er décembre 2017. La compilation contiendra 16 titres, dont deux inédits. C'est du ce qu'on appelle du metalcore, moi je dirais que c'est plutôt du power metal bien puissant. Formé en 2005, ils nous viennent des États-Unis de Los Angeles bien entendu. Et moi j'adore, franchement j'aime bien la voix du chanteur. Alors c'est simple, oui les riffs sont simples, mais c'est peut-être ça que les gens aiment, c'est que ça rentre facilement dans la tête, que les refrains sont facilement assimilables. Parfois ça ressemble à des titres de Metallica, surtout dans les ballades. Moi je trouve qu'ils ont un son qui ressemble assez à Metallica. Donc puisqu'il y a plein de gens qui aiment Metallica, qui aiment des groupes comme Volbeat, que tout le monde se demande aussi dans mon entourage, pourquoi tu aimes ce groupe ? Eh bien voilà, Five Finger Death Punch, Volbeat, Metallica, pour moi, c'est à mettre dans le même clivage musical, on va dire, avec ses propres différences, chacun a ses propres différences, mais au niveau du son, au niveau des riffs, au niveau de la production, on est quand même assez proche. Voilà, donc le groupe sera Five Finger Death Punch, sera donc à l'Olympia le 4, et le concert est complet avec In Flames. Nous enchaînerons avec une toute nouveauté. Mais le concert est complet, oui, mais ils peuvent aller à Anvers, en Belgique. Il y aura même, et contre tous, ouais. Il y aura la même chose. Bon, ouais. Très bien. Donc, allez, à Anvers. C'est quand le concert à Anvers, mon cher Tom ? Attends, je viens de quitter la page. Je viens de dire. Mais c'est le lendemain. Le lendemain, ils seront à Luxembourg pour Five Finger Death Punch. Ouais. Ils seront le 14 décembre. Ah oui, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour s'organiser. Mais c'est un jeudi, donc vous pouvez pas y aller. Ah ouais, jeudi, il faut rester au Rock for Show. Ou alors, il faudra écouter le lundi sur. Metal-invasion. Oui. Voilà, à partir de 20h, je crois. Et saluer tout ce beau monde. Nous allons saluer aussi Didier qui nous écoute et qui nous a donné. Lequel ? Parce que là, je ne dis pas son nom. Mais en tout cas, il travaille pour un label de la promotion et autres. Il nous a envoyé une exclusivité ce soir dont on vous parlera tout à l'heure. Pour l'instant, une autre exclusivité qui nous a été envoyée par Jérôme qui s'appelle Causdal Division. Oui, le nouveau morceau de Causdal Division, Narcosis, avec en featuring Hellefry. Vous allez écouter, c'est tiré de leur prochain album qui s'appelle Memory, sorti chez Season of Mist le 12 janvier 2018. Cadeau. Oui, tu l'as sur ta. Regarde, tu nous diras. Oui, Hellefry. Voilà, tu nous donneras des indications peut-être sur la jeune fille. Parce que c'est une jeune fille. Hein. C'est le deuxième album du groupe. Sur Internet, hein. Voilà. C'est le deuxième album du groupe. C'est un trio de thrash death metal qui invite plein de gens. Et qui. Y a un concept autour de tout ça. On les invitera de toute façon en janvier pour qu'ils nous parlent de l'album. Le groupe s'est formé en 2016. Ils nous viennent de Nîmes. Voilà. On les avait déjà reçus à la sortie du premier album. Et dessus, vous pouviez retrouver des gens de Merciless, des gens de No Return. Il y avait aussi Phil Filter. Quand on avait reçu Filter ici, oui. Et qu'on avait fait un phoneur. Oui, tout à fait. Et puis, il y avait ADX aussi qui avait participé à un titre. Donc, voilà. Nous enchaînerons ensuite avec des Canadiens. Oui, ça faisait longtemps. Et la semaine dernière, on vous les a passés en fond sonore. Et cette semaine, on se rattrape et on vous les passe. En entier, voilà. Le groupe s'appelle Nordheim. Moi, j'ai un peu flashé dessus. L'album s'appelle Raptor, mais Raptor avec T-H-O-R, hein, Raptor. Le morceau s'appelle I Wish You Were Beer. Yeah. Alors, à qui vous fait penser ce titre, I Wish You Were Beer, hein? Vous nous appelez au 06 81 01 28 34 et on vous donnera un cadeau. Je sais pas quoi, mais on vous donnera un cadeau parce qu'on est comme ça. I Wish You Were Beer. On vous enverra une bière, tiens. Ah oui, tiens, peut-être. Ah, ouais, ah oui, il y a des nouvelles bières ADX. Les nouvelles bières ADX, il y en a deux qui seront en vente donc au Musicoai Festival ce samedi 25 à Krone, en exclusivité pour le festival, apporté par Adiposer, puisque c'est Adiposer qui distribue les bières ADX. Eh bien, vous pourrez les trouver là-bas. Attention, tirage très, très, très limité. Donc pour Nordheim, c'est une autoproduction qui sortira le 24. C'est demain, ça sort demain, 24 novembre. Ils nous viennent du Canada, de Quebec City. C'est le deuxième album du groupe, il contient 8 titres. Ils font du folk metal, mais assez couillu. Hein. C'est pour les femmes de Moonsorrow, Fintroll, Vindir, Equilibrium, NC Ferrum, et puis plein d'autres qui sont dans cette veine-là, dont Winterson. Eh bien, on vous laisse en musique, en vous rappelant le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. On veut que ça sonne, on veut que vous rafliez tous les cadeaux ce soir. Faites péter. N'oubliez le pas, standard. Il y a des places de Leibar à gagner pour le concert de demain soir au Trabendo. Musique, mon cher Tom. Cause there's no- dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Renfort Show sur Radio Biz. C'est sur radioquebec.biz même. Et vous entendez en fond sonore le groupe Enslaved. Enslaved qui seront encore et toujours, et eux aussi, en concert, mon cher Tom. Ah mais ça n'arrête pas, Phil, ça n'arrête pas. Mais quand c'est l'actu. Quand est-ce que ça va se calmer, les concerts, sérieusement? Bah entre la période du 15 décembre jusqu'au à peu près 6 janvier, normalement, date de mon anniversaire, et comme je fais pas de PMFF, cette année, il n'y aura rien. Voilà, l'info est lâchée. Hein. Par contre, c'est officiel, il n'y a pas de PMFF en 2018. Par contre, préparez-vous pour 2019. Ah, il l'a dit. Bon, Enslaved donc, mon cher Tom, en concert. Yes. C'est bien. Où ça? Je suis pas prêt. Le 25 au Trabendo. Mais de toute façon, vous serez à Kroon pour aller voir ADX, Blazing War Machine et tous les groupes Extrema et tout ça. Et puis vous allez rafler des t-shirts ce soir, vous allez rafler des CD aussi de Corrosion Element, vous allez rafler des compiles de Musicowai, vous allez rafler encore plein d'autres CD qui nous ont mis à disposition et que vous irez rechercher là-bas. Donc le 25, il n'y a qu'une seule date qui compte, c'est celle du Musicowai. Mais on va quand même vous parler d'Enslaved, parce que Enslaved a sorti un album qui s'appelle I. Mais en français, ça se dit E. Et c'est 6 titres avec 2 bonus. Voilà, exactement. Donc c'est entre le P et l'album, quoi. Ils ont triché, quoi. Ouais, mais les morceaux sont longs. Tu vois, les morceaux sont longs. Oui, si tu vas de ce temps-là. Sorti chez Nuclear Blast le 13 octobre dernier. C'est un quintet de Black Viking formé en 1991. Ils nous viennent de Norvège, de Bergen, exactement. Donc, juste avant ça, nous avons écouté donc Nordheim en dernier. Hein, I wish you were beer. J'espère que vous avez apprécié et aimé. Et si vous êtes à table, bon appétit. Et si vous êtes devant l'apéro, eh bien à la vôtre. Et bonne Thanksgiving, ouais. c'est vrai, complètement, mon cher Tom. La dinde. Au Québec. Comment s'appelait la dinde qui a été graciée? Ah, voilà une bonne info. Voilà un beau jeu de concours. Comment s'appelle? Parce que je crois que chaque année, le président de la République gracie une dinde. Ouais, c'est République des États-Unis. Ouais, alors faudrait savoir maintenant. Comment elle s'appelle? Bon, juste avant ça, on a eu Causdal Division, que l'on recevra en janvier, puisque l'album sortira en janvier. Et encore avant ça, il y avait Five Finger Death Punch avec l'inédit Trouble. Nous allons continuer dans la nouveauté et les concerts avec Nothing More. Nothing More qui seront eux aussi en concert. De toute façon, là, ce soir, on va vous parler de tous les concerts qui ont lieu sur Paris. Eux, ce sera le lendemain de Five Finger Death Punch, puisque ce sera le 5 décembre, et ce sera aux Étoiles, avec In Search of Sun, plus Psycho Village, je crois. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Nothing More? Bah, c'est un super groupe qui nous vient des États-Unis, de San Antonio, exactement. Ils se sont formés en 2003, on les a vus déjà, c'était au Nouveau Casino, c'était vraiment un concert exceptionnel, puis je les ai revus après ailleurs, je ne me rappelle plus où. Je me demande si c'était pas l'Élysée Montmartre. C'est du métal alternatif, l'album contient 18 titres, il s'appelle The Stories We Tell Ourselves. Il est sorti chez Eleven Seven le 15 septembre dernier. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Don't Stop. Et il y aura un featuring dessus, puisqu'il y aura Jacoby Shaddix. Alors tout à l'heure, on vous a parlé de... Oui, on vous a pas dit qui était le featuring sur Causdal Division. Bah, c'est un groupe de Seine-et-Marne, c'est ça qui faisait du thrash metal et qui maintenant fait du death metal, c'est ça? Yes. Hein. Donc voilà, c'est la chanteuse donc, de ce groupe qui s'appelle, mon cher Tatiana, qui chantait donc avec Causdal Division. Et ils ont sorti un album dans le courant de l'année. Voilà, donc on en parlera peut-être. Tiens, ouais, c'est même un EP parce que c'est un 4 titres. On en parlera quand Causdal Division viendra. Pour l'instant, on retourne à Nothing More. Donc, comme je vous le disais, ils seront en concert. Le groupe s'est formé en 2003. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais il me semble que oui. Ils seront donc en concert le 5 décembre à Paris, aux Étoiles. Je ne connais pas du tout cette salle, les Étoiles. Donc, il faudrait peut-être aller faire un petit tour. Peut-être que le 5 décembre, je serai peut-être dispo. Je ne sais pas, faut voir. C'est pas un jeudi, mon cher Tom, le 5 décembre. Non, t'as de la chance. Bon, bah, j'irai peut-être le 5 décembre voir Nothing More, parce que j'aime beaucoup le groupe. Le même soir, donc, et à la même affiche, il y a In Search of Sun. Et nous allons vous passer un morceau de In Search of Sun que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bad Girl, et qui a aussi un featuring qui s'appelle John Brown. L'album s'appelle Virgin Funk Mother, sorti chez Spine Farm Records le 20 septembre dernier. C'est le deuxième album du groupe, il contient 11 titres. Le groupe, avant de s'appeler, comme je vous l'ai dit, il s'appelait Driven. C'est un quintet de métal progressif. Ils se sont formés en 2011 au Royaume-Uni, à Londres exactement. Et ils seront donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Nothing More et Psycho Village. Ce sera le 5 décembre à Paris, aux Étoiles. Nous terminerons cette petite programmation musicale avec cette petite réjouissance, avec un retour d'il y a 21 ans. Pendant 21 ans, quel feignasse! Il n'a rien foutu, il n'a pas sorti de musique, il n'a rien fait, mais là, il sort. Ça s'appelle Merci Pur, hein, ou Merci Pour, vous allez voir, vous allez écouter surtout. Le groupe est suisse. Tout à l'heure, le petit clin d'œil que j'avais fait à Didier, eh bien c'est pour lui, c'est le tout nouveau single du groupe qui s'appelle Galahad, et ça sera pour vous dans l'émission, en exclusivité peut-être, hein, comme ça, on va dire que c'est en exclusivité, et puis bah, on attend l'album de Galahad qui devrait sortir incessamment sous peu. D'ailleurs, si Didier veut nous envoyer la date de sortie de l'album, ce serait bien, et puis sur quel label, et puis tout quoi, toutes les infos, voilà. On envoie la musique, c'est-à-dire qu'on commence avec Nothing More et on se retrouve tout de suite après Music Maestro. Open me up and be the saving that I've longed for. Desperation, I know, I hope, cursed. So step aside, I got no time to face the doors. Cause I think you know by now, I think you know I'm not the girl that sits inside your bed. All the scars and the blood is as real for the lies that you could do. Force d'aimer ne rend pas. De retour dans le Rockford Show. Oui, il fait chaud mon cher Tom, non? Ne trouves-tu pas en cet hiver? Non mais on t'a pas entendu, hein. T'inquiète pas, ton micro était pas ouvert. Mais non, c'est surtout voilà. Que vous parlez pas dedans. Fille. Bah c'est ça, si tu parles dans le cul de la vache qui est à côté de toi, ça marche pas. Hein. Ouais, non, mais elle a pas de micro dans les fesses la vache. Ouais, on va dire ça. Hein? C'est dingue ça. Oh là là là là là là là. Mmh, on parle de moi. Complètement à côté. Un jour, je t'enverrai une vidéo de vache. Oh oui, oui, oui, je crois que c'est celle qui fait du karaté. Ouais. Parce que j'ai vu une vache qui fait du karaté. Je t'enverrai une vidéo de vache. D'accord, ok. Tu comprendras. Oh la vache! Bah, c'est avec ça qu'on fait le Rockford, hein. C'est le lait de la vache. Ouais. Bah non, en plus, ouais. Allez, Galahad, j'espère que vous avez aimé. C'était Merci pour. Et on attend l'album avec impatience de nos Suisses. Avant ça, c'était qui? Bah, c'était Search of. Oui, c'est ça, c'est In Search of Sun. Et encore avant, c'était Nothing More. Voilà, les petits enfants. Alors peut-être que la semaine prochaine, nous aurons des places pour Nothing More à vous faire gagner. On est en train de voir ça, on voulait pas tout vous faire gagner cette semaine. Sachez que pour Leibar, les places ont été gagnées. Et que pour l'instant, il y a un t-shirt de gagné sur le Music Hawaii Festival, mais que vous pouvez toujours en gagner d'autres. Mais on ne s'est pas dit que la personne y va, on sait jamais. Si, si, elle y va, bah si, si. Tout, mais vous pouvez toujours en gagner au 06 81 01 28 34 à partir du moment où vous allez au Music Hawaii Festival à Krone ce samedi, puisque c'est là-bas qu'il faudra retirer votre lot. Nous allons continuer dans la suite de cette émission, cette formidable émission, n'est-ce pas mon cher Tom? Une émission bonne pour la santé, bonne pour les neurones, bonne pour vos oreilles. Je sais, on nous a dit que l'émission coupait de temps en temps. Hein, Oui. Mais on n'y est pour rien, chez nous ça passe vraiment bien. Ouais, ça... Hein, même ici, quand on écoute le retour de Radio Biz en France, bah, ça passe bien. Donc c'est peut-être, je sais pas, soit ça vient d'eux, soit ça vient de vous, de votre appareillage. L'histoire, c'est compliqué. Là, faudrait peut-être remettre vos plugins à jour, peut-être. Ouais, mise à jour des plugins. C'est peut-être ça, on sait pas. On sait pas. En tout cas, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Trigger Finger. Et ils sont belges. Et ils seront également en concert, mon cher Tom, à Paris. Et c'est le... Le 25 décembre. Non, novembre. Ah bah non, on peut pas en parler alors. Alors on peut pas en parler parce que le 25 décembre, vous êtes à Krone. Non, le 5 novembre, pas décembre. Le 25 novembre, vous êtes à Krone. C'est le 25 décembre, vous êtes sous le sapin. C'est l'Élysée Montmartre. Ah, d'accord, donc on en parle quand même. Bon, bah c'est l'Élysée Montmartre pas alors. Pas très loin d'Anvers parce qu'ils nous viennent d'Anvers. Hein, oui, et ça. D'ailleurs, le métro pour aller à l'Élysée Montmartre, c'est Anvers. C'est dingue. Ouais, enfin c'est bah oui. Pigalle. Non, c'est Anvers. Non, c'est Anvers. C'est Anvers. Ah ouais, l'Élysée Montmartre, c'est Anvers. Et la locomotive, c'est Blanche. La boule noire, le divan du monde, enfin, la locomotive c'est Pigalle. N'existe plus, très cher. Oui, enfin la machine du Moulin Rouge, c'est Blanche. Pigalle, c'est la cigale, le divan du monde et la boule noire. Enfin voilà quoi, tu vois, je les connais toutes moi les stations de métro à Paris. Oh. Donc ils nous viennent de Anvers et ils vont descendre à Anvers pour aller voir leur concert. Encore, ils vont jouer sur place quoi. Ils vont jouer chez eux, ils jouent à domicile quoi. Si ça se trouve, ils sont tous plantés, ils viennent pas en France, ils vont jouer à Anvers et il y a une salle qui s'appelle Élysée Montmartre à Anvers. Ouais, j'en suis sûr, ça va être un truc comme ça. Bon, en tout cas, le dernier album s'appelle Colossus, il est sorti chez Mascot Records le 25 août dernier. C'est un album qui fait 10 titres. Voilà, c'est un trio de hard rock. Ils sont belges une fois. Donc maintenant, nous allons passer à la partie musicale en entier avec encore des groupes en concert puisqu'il s'agit de Comeback Kid, mon là, cher ça sera Tom. Au Gibus République pour les Parisiens. Voilà. Oui, au Gibus Live, le 29 novembre. Oui. Là, on peut en parler, hein, le 29 novembre. Donc, le groupe nous a sorti un nouvel album chez Nuclear Blast le 8 septembre dernier. Il s'appelle Outsider. Et le titre, vous aurez vu, ce soir, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de featuring. Le groupe, le morceau s'appelle Absolute. Et il y a en featuring Monsieur Devin Townsend. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, chers auditeurs. L'album contient 13 titres. Oui, pas un de plus, non. 13 titres. Et le groupe est canadien. Tabernacle. Et Caribou. Caribou. Hein ? Le groupe est canadien et il nous vient de Winnipeg, au Canada, bien évidemment. Ils se sont formés en 2002. Ils nous font... C'est un quintet qui fait du hardcore. Et on va vous laisser découvrir ça. En musique. Ce sera suivi de Mastodon. Mastodon, mon cher Tom, ils sont également en concert. Bravo, bravo. C'est moi je dis fort. Bravo, c'est trop fort. Et où ça? C'est Cindy Crawford. aussi à l'Élysée Montmartre, mais ce sera le 29 novembre. Voilà, 29 novembre, Mastodon. L'album s'appelle Cold Park Place, et ce n'est pas un album, c'est un EP qui est sorti le 22 septembre dernier chez Warner Bros. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Toe Toe Toes. Bah ouais, c'est comme ça, je sais pas ce que ça veut dire ça d'ailleurs. Le groupe s'est formé en 1999, ils nous viennent d'Atlanta aux États-Unis. Voilà, et c'est très bien, moi j'adore, c'est comment dire, c'est très varié. Hein. Il n'y a pas un morceau qui ressemble à un autre sur les albums de Mastodon. Ils nous font un espèce de metal prog teinté de musique, de métal, de truc qui fait du bruit. Hein. Donc à écouter. Et c'est un quintet, mon cher Tom. Ce sera suivi par, alors là complètement différent, mais une exclusivité tout de même, puisque l'album ne sortira que le 26 janvier. Le morceau s'appelle Ascension. C'est monsieur Fabio Leone et monsieur Conti qui se sont mis ensemble chez Frontiers. Alessandro Conti, qui est le chanteur en fait du power metal de Trick or Treat, le power metal italien Trick or Treat, qu'on vous passe souvent lorsque c'est la fête d'Halloween. Enfin, on vous l'a passé les autres années, je pense. Et donc, monsieur Fabio Leone, qui était, on le rappelle encore, peut-être chanteur de Rhapsody, puis de Lucas Turilli Rhapsody, avec Alex Staropoli. Enfin bref, il y avait tout ce monde-là. Le groupe s'est barré. Fabio Leone est parti chanter, je crois, avec Angra. Il est revenu. Enfin bref, voilà, il ne sait plus quoi faire. Donc maintenant, il chante avec Conti, avec Alessandro Conti. Et ma foi, on n'a que ce titre-là à se mettre sous la dent pour l'instant. Ça s'appelle Ascension et on vous le rappelle, ça sort chez Frontières le 26 janvier. C'est une exclusivité pour vous, chers auditeurs du Rock 4 Show. Nous allons passer à la musique maintenant, tout de suite, sans plus attendre. Et nous, on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission en vous rappelant le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Où vous pouvez nous envoyer tous vos SMS pour nous dire combien vous aimez cette émission. Aussi, combien vous la détestez, c'est possible. Hein. Et puis surtout, pour rafler des t-shirts, des CD, puisque on en a plein. On en a des caisses. Merde, Tom est parti au marché, il est parti les revendre. Dépêchez-vous d'appeler si vous l'en voulez. Allez, musique. Blah! holding on to what is left for me. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show et vous écoutez MF Crew. MF Crew, Old Friend from Paris. Ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Eh bien, c'était une fête vachement réussie au backstage from by the mill. Celle-là, ça me dit quelque chose. Après, yes. Ça me dit rien. Ils seront à nouveau en concert à Paris, les MF Crew. Ce sera le 15 décembre au Bus Palladium. Ne les ratez pas si vous les avez ratés partout ailleurs, parce que c'est vraiment un groupe à voir sur scène. Moi, je suis au concert, mais je vais pas à l'after. Bah ouais, mais quand tu te fais torchon chiffon carpette, mon cher, il faut savoir boire aussi. Qu'est-ce que t'en sais ? Buvez avec modération. Tu n'y étais pas. Non. Ah non, non, moi je suis rentré. Hein. Moi je suis rentré, il pleuvait ce jour-là. Mais c'est surtout qu'en fait, on s'est séparés. À un moment donné où la fête pouvait battre son plein et on nous avait dit de toute façon rendez-vous tous au Black Dog machin tout ça, et moi personnellement le Black Dog le chien noir il fait vraiment trop noir là-bas, donc bah, j'avais décidé de pas y aller et j'avais oublié surtout ma lampe frontale, donc voilà pourquoi j'y suis pas allé et puis j'étais en charmante compagnie, donc on est rentré. On s'est retrouvé quelques-uns au Black Dog et on a fini très tard ou très tôt le lendemain matin. Très tôt je dirais le lendemain matin, et pas dans un état on m'a dit très vertical. Mais plutôt à l'horizontale. Il n'y a pas d'image, donc. Ah, bon, bah, on va en trouver. Il y a des caméras de surveillance partout dans Paris maintenant, on va en trouver. Allez, on va poursuivre avec la programmation, avec des nouveautés cette fois-ci, avec Alex Dawson. Alors, vous avez déjà présenté cet album, puisque il me semble qu'il avait été sorti plus tôt, on l'avait reçu plus tôt dans l'année, je crois que c'était même au premier semestre 2017. Et puis là, on nous demande d'en refaire de la promo, parce que Alex Dawson, eh ben, il doit être distribué aujourd'hui certainement son album qui s'appelle Always Rock. Le 8 décembre. Le 8 décembre, ouais. Il sera distribué par Do It le 8 décembre 2017. Le morceau c'est Bad Times qu'on va écouter tout à l'heure, c'est du rock, c'est français, ça chante en français, ça chante en anglais, c'est sympathique. Je crois qu'ils sont en concert, donc on vous donnera peut-être la date tout à l'heure, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous a demandé d'en repasser, il me semble qu'ils doivent être en concert sur Paris très bientôt. Nous enchaînerons ensuite avec Nostromo qui eux c'est sûr, certains et officiels, ils seront en concert à Paris très bientôt puisque ce sera le 30 novembre. Par contre j'ai pas noté la salle. Internet est ton ami. Oui, il y a Internet est ton ami, donc on va chercher la date. Nostromo, on vous passe pas quelque chose de nouveau parce qu'ils n'ont rien sorti de nouveau pour l'instant. C'est Stillborn Prophet. Ce soir on est très dans le spirituel. Hein, sorti en 2002. Oui, c'est ça. Sur l'album S-Lex. Ouais, S-Lex et c'est Overcome Record le label. C'est le troisième album du groupe, il contient 12 titres. Et voilà. C'est un groupe formé en 1996. Ouais, ils sont suisses de Genève. C'est la Suisse. On a passé deux groupes suisses ce soir, un groupe belge et on va passer deux groupes canadiens, je crois. Donc c'est cool, quoi. C'est du hardcore formé en 1996, comme l'a dit Tom. Et on va donc vous trouver la date, enfin, pas la date, mais le lieu, le 30-11 à Paris pour les Nostromo. Voilà, on vous donne ça tout de suite dans la foulée. Mais en attendant, on va passer à Let's. Alors, ça s'écrit L-E-T-H-V-M, mais je pense que c'est Let's. T'as trouvé, mon cher Tom ? Pour Nostromo ? Non, pas encore. Non, tu me dis quand t'as trouvé. Hein. Donc, c'est Let's. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Winter's Journey. Bah, ça tombe bien, on est en hiver. Hein, et c'est tiré de l'album This Fall Shall Kiss. Sorti chez Deadlight Entertainment le 24 novembre prochain. C'est le premier album du groupe. La maroquinerie pour Nostromo. Superbe salle. Voilà, la maroquinerie, donc le 30 novembre pour In Extremo. Pour Nostromo. In Extremo, ça sera beaucoup plus tard. Donc, Let's, Deadlight Entertainment le 24-11. Ça, c'est la sortie de l'album. C'est le premier album du groupe. Ils sont belges. Et voilà. Et ils se sont formés en 2015, donc deux groupes belges, deux groupes suisses, deux groupes canadiens, des groupes français. Enfin ça va, il y en a pour tout le monde ce soir, c'est pas mal, un groupe norvégien, enfin bref. Les États-Unis quand même l'emportent, hein. ils ont eu beaucoup plus de groupes ce soir. C'est du Doom Sludge, Let's, on va vous laisser les écouter. On se retrouve tout de suite après. On vous rappelle 06 81 01 28 34, 06 81 01 28 34, 34 pour rafler 34. Des cadeaux, hein, donc vous envoyez des petits SMS, hein, si vous voulez rafler des petites choses, CD, t-shirt. Alors CD, t-shirt pour le Music Away, il faudra aller sur le Music Away le 25, sinon pour le reste, bon, on vous les envoie. Allez, on envoie la musique, c'est parti, on se retrouve tout de suite après, musique. Marqué d'une croix. Ma femme avec mon meilleur ami. Summertime. Bad time. Mon fils vient de partir en Syrie. Oui, mais de qui? Summertime. rester couché. C'est mieux de rester au pieu, c'est mieux. Summertime, summertime, summertime. Bad time. Vas-y, vas-y. Vivement que l'été arrive. Parce que Winter's Journey, là, ça fait hurler le chanteur, hein, le pauvre. Il a dû être enfermé dans la neige. En Belgique, ça doit faire mal, à mon avis. Ah, mais dis donc. Mais c'est ma chérie. Allez, laissez un peu. Moi j'ai une idée sur ce titre, Phil, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Et ben on va pas dire qui c'est. Oh mais elle est adorable. Elle est adorable, elle est mignonne tout plein, elle joue super bien et elle a toujours plein d'invités avec elle et elle est toujours habillée sexy sur scène. Ouais. Voilà. Elle sera en concert même en plus. Oui, elle sera en concert à Paris. Alors ça sera en février hein, pour Paris. Mais avant ça, ce soir elle était en concert à Compiègne, au Zicodrome. Zicodrome. Oui, bah, qu'est-ce que j'ai compris Zicodrome. Non, Zicodrome, comme Zizi, comme Coco et comme Drôme. Hein, et voilà, donc Zicodrome. Elle sera demain à Ozoir-la-Ferrière, dans le 77, au jazz et. C'est quoi le truc? C'est jazz et blues d'Ozoir. Donc, allez la voir. Blues d'Ozoir. Allez la voir. Elle sera également en concert le 25. Mais là, vous pouvez pas aller la voir, parce que le 25, on vous a déjà dit, hein, vous êtes au Music Hawaii Festival, à Krohn, dans le 91. Bon, allez, on vous le dit quand même, elle c'est sera... C'est Marc-en-Barœul, dans le Nord. Enfin, non, maintenant, c'est, comment on appelle ça le Hauts-de-France, les Hauts-de-France, voilà. Un festival qui s'appelle Blues en Nord. Et il est complet, de toute façon, donc ça sert à rien d'y aller. C'est complet, à Marc-en-Barœul. Et après, il faudra revenir au mois de février. Le 20 février, elle sera donc au... Alors tu dis comment? Au Pan Piper. Pan Piper. Ouais, c'est ouais. Une salle. Tu connais? Oui, c'est une salle. C'est où? C'est vers où? C'est Paris. Par là? Par là? Paris ligne 2 après le Sylvan, un peu au-dessus. Ah, au-dessus du Sylvan. D'accord, ok. Bon, elle sera là. J'ai plus l'arrêt exact, mais c'est par là-bas. Enfin, de toute façon, comme je dis souvent quand on vient me voir, on va au concert, ouais, Paris Nord. Ah, Paris d'accord. Nord. En tout cas, sachez que vous pouvez aller voir toutes les dates, hein, puisqu'elle sera dans le 25, dans le 49, dans le 09, dans le... Qu'est-ce que j'ai oublié comme dans date? Dans le 31, dans le 57. Enfin bref, elle sera partout. Elle s'appelle Anna et elle a un très beau popo, Vitch. Non, elle est très jolie, elle joue super bien, elle chante bien. Ça swing, quoi. Tu te rappelles, on avait été la voir? Non, c'est avec toi que j'avais été la voir ou pas? Non, non, toi c'était Joanne Chotelor que je t'avais emmené voir. C'était excellent. Et c'était excellent aussi dans un autre genre. Là c'est un blues rock vraiment très rock, hein, Anna Popovich. Oui, mais ça y ressemble un petit peu et ça me donne bien envie, quoi, tu vois. Ouais. Bah écoute, le 20. C'est pas un jeudi, le 20 février, eh ben, je te propose d'aller la voir au Pan Piper. Regardez ça tout de suite. Le 20 février, c'est 2018. Un mardi. Voilà. Eh ben écoute, s'il n'y a rien d'autre, on ira au Pan Piper voir Anna Popovich. Pourquoi pas, j'ai un petit. Hein bah ouais, non, monsieur. Ça va swinguer un peu. Ça va pas être du Halloween. Ah, c'est autre chose. Alors là, c'est carrément autre chose, mais Halloween, c'était vachement bien, quoi. Ah, non, mais ça. Un des concerts de l'année, quand même. Ah oui. L'album d'Anna Popovich est sorti chez Artists Exclusive Records en 2016. C'était une espèce de compilation live et tout ça. Enfin, c'est un double CD, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc à vous mettre entre les oreilles de toute urgence. Sinon, allez sur son Facebook, allez sur son site. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, allez voir toutes les vidéos de Anna Popovich. Je suis sûr et certain que vous allez tous tomber amoureux. En tout cas, moi je le suis déjà, moi, depuis 3 jours. D'accord. On va finir cette émission avec un groupe. Ils sont quoi? Ils sont français? Hein, je sais plus. Ouais. Non, je sais pas. J'ai pas noté. C'est pas marqué. Mais en tout cas, ils nous viennent d'une autre dimension. Oui, ils nous viennent de la 4e dimension. Donc, je pense qu'ils sont français. Le EP 5 titres s'appelle Mission. Et ça sort chez Do It le 20. C'est sorti le 20 novembre chez Do It. Le groupe s'est formé en 2010. Ils nous font du tech électro prog rock. Voilà, et c'est un power trio qui nous fait tout ça, de l'électro-prog-rock. C'est pas mal ça. Donc autant vous dire qu'on se casse maintenant et on vous laisse jusqu'à la fin avec ça. Ouais, donc, on va vous encore, laisser. Vous l'aurez pas en totalité pour les gens qui nous écoutent ouais. en direct. Mais vous l'aurez demain, voilà, dans toutes les bonnes crèmes. Et surtout, surtout sur. Sur metal-invasion.fr voilà. lundi soir. Bonne lundi soirée, soir. Bonne semaine à tous. Bon week-end pour les Québécois et puis bonne soirée pour les Français. Ouais, et retrouvez-nous tous. On y sera au Music Hawaii Festival pour le dernier concert d'Alix de l'année. Pour Metal Invasion. Comment ? Pour Metal Invasion. Oui, pour Metal Invasion, nous y étions. Donc voilà, hein, le Music Hawaii Festival, c'est à Krone dans le 91 et c'est samedi, on vous le rappelle, avec ADX. Blazing War Machine Extrema. Classique dimension où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent attends, ses désirs. Tu vas nous le remettre parce que j'ai pas dit c'était rock. Oui, parce que mais il faut hein qu'on y aille. Mais oui, mais c'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock fort chaud et on vous laisse dans la quatrième dimension avec Chami Funk. Bye bye, à la semaine prochaine. Ah bah ça y est, faut que je recommence en fait. Oui, on va jamais y arriver. T'es trop rapide. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique.